La rubrique d'Aimé Bonaparte, c'est ici ou pas? Ah non, non, mademoiselle, non, non, pas du tout. Ici, c'est l'agenda. La chronique d'Aimé Bonaparte, c'est tout là-bas, au coin.